En Corée du Sud, selon Yonhap News, le rassemblement pour le renvoi de Kim Yoon-hee, constitué de plus de 30 formations comme le Centre des droits de l'homme du Conseil de l'Église chrétienne et le Comité de mesures pour la solution de l'affaire d'hypothèse sur la désertion intentionnelle à l'étranger du personnel du restaurant du Nord, ont organisé le 14 juin à Séoul une conférence de presse pour ainsi exiger le renvoi inconditionnel des citoyennes du Nord.